Le Rassemblement national consacré au 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie s'est déroulé le 26 courant à la cour d'honneur du monument à la guerre de libération de la patrie. Y ont pris part Kim Yong-nam, Fang Byung-soo, Park Bong-joo, Choi Ryong-hye et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, le président du comité central du Parti social-démocrate de Corée, les membres des organismes directeurs du comité central du parti dans la ville de Pyongyang, les responsables des organismes du parti, des forces armées, des ministères et des établissements centraux, les vétérans de guerre, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les cadres des établissements, usines, entreprises de Pyongyang, les méritants, les jeunes étudiants, le représentant à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, ainsi que les Coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste. Le général d'armée Park Yong-sik, membre du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et ministre des Forces armées populaires, a dit dans son rapport. Le 27 juillet est la fête révolutionnaire fière, ayant battu pour la première fois dans l'histoire de guerre du monde le puissant impérialiste américain et marqué la première page de la grande victoire dans la confrontation anti-américaine. À l'époque la plus dure, due à la guerre imposée par les ennemis, le président Kim Il-sung a conduit sagement la lutte pour battre les agresseurs américains qui fanfaronnaient en comptant sur la supériorité nominale et technique par les stratégies et tactiques et méthodes de combat à la coréenne. La grande victoire dans la guerre de Corée était un événement révolutionnaire qui a démontré nettement dans le monde entier que les militaires et civils engagés dans la défense de la patrie avec la ferme foi en la grandeur de leur leader et la justice de la cause révolutionnaire ne fléchissent point. Aujourd'hui, la Corée fait promouvoir victorieusement le progrès socialiste à sa manière et obtient successivement les succès proclamant la ruine finale américaine et des autres forces hostiles. Que tous œuvrent dynamiquement pour la victoire de la cause révolutionnaire du Tse et Sun-gun, tout en faisant à jamais honneur à l'histoire de la victoire dans la guerre, suivant la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un.